a pas d'autre endroit où je voudrais aller, où je voudrais mourir, où je voudrais marcher. Il n'y a rien d'autre à faire, attendre que le temps passe et que finisse les guerres et que s'arrête ici moi. Je reste là à regarder par terre, à regarder en l'air les arbres, les oiseaux, les nuages, puis le monde entier. Il n'y a rien en dehors que je voudrais changer, que je voudrais voir partir, que je voudrais voir tomber. À faire, attendre et rester là, et que pourrisse la chair, et que s'arrête ici, moi, je reste.